Bonjour chers auditeurs de Dice & Click, bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jordi et j'ai le plaisir d'inaugurer cette rubrique. Pour ce blind test, intitulé Petit poisson, gros pêcheur, j'ai choisi un jeu de rôle que j'ai découvert récemment dans un univers contemporain et dont le pitch m'a paru original. Le système de jeu utilisé est celui de Chronicle of Darkness 2ème édition. Je sais que j'ai affaire à des petits malins qui vont essayer de comprendre avant l'heure dans quel univers je souhaite les amener. Parano, peut-être, mais au moins je mets toutes les chances de mon côté. J'ai donc demandé aux joueurs de construire deux backgrounds avec une série de questions que j'ai préparées. Le premier background pour le personnage qu'ils vont jouer, et le deuxième pour un personnage mort à New York, lieu de l'action de cette aventure, dont l'intérêt n'est pas expliqué au départ. Mystérieux ? J'espère bien. Les réponses m'ont permis de gérer des aspects propres à l'univers, ou d'étoffer le scénario en incluant des personnages et événements tirés de leur background. Je ne souhaite pas vous en dire plus, chers auditeurs, sur le jeu de rôle choisi, afin que vous ayez vous-même le plaisir de la découverte. L'idée est de faire cette découverte en deux actes. Le premier acte verra petit à petit les personnages s'immerger dans l'univers particulier de ce jeu de rôle. Le deuxième acte les fera vivre après leur confrontation avec la particularité de l'univers visité. J'espère que vous apprécierez cette façon de découvrir un univers et je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à poster tout commentaire constructif sur cette rubrique que nous espérons vous proposer régulièrement à l'avenir. Il vous est fortement conseillé d'écouter les épisodes précédents, dont l'épisode de background des personnages et l'épisode d'introduction. Vous êtes en route ou arrivé près de la demeure en question. Moi, j'ai une question pour commencer. Oui. Je connais Lucie. Je la connais d'avant. Alors, d'avant quoi ? D'avant ta mort ? Oui. Oui. Donc, est-ce que j'ai son contact ? C'est envisageable, oui. Je peux essayer de la joindre, parce qu'elle a l'air de savoir plein de choses. Elle n'était pas avec nous sous la tente, là ? Mais après, elle s'est enfuie, oui. Ah oui. Elle s'est pas enfuie, elle s'est fait un peu virer par comme le reste de l'équipe de secours. Parce que les vaccins, c'est trop mainstream, vaut mieux boire du sang de poulet pour guérir. C'est vrai. Mais oui, c'est envisageable que tu puisses la contacter, oui, il n'y a pas de souci. Donc on a toujours genre nos téléphones, tout ça, on n'en a jamais parlé, mais oui, j'ai toujours mon téléphone portable. J'essaie de joindre Lucie. Oui, il n'y a pas de raison que... Ceci dit, le tien a dû prendre l'eau un petit peu. Ah merde, évidemment. Et bah, je peux donner le numéro de Lucie à quelqu'un qui a un téléphone qui fonctionne. Je vous laisse discuter. Hein. Bah, moi, je dois avoir mon téléphone. C'est Max qui a eu, la connaissait aussi. Oui, mais moi, j'ai pas son contact, en fait. Nous, on se croise toujours sans faire exprès. Non, mais je peux te prêter mon téléphone. Nicole. Si tu souhaites. Eh bah oui. Parce qu'effectivement, elle est quand même venue nous sortir du pétrin, et puis elle s'est fait virer comme une malpropre, donc... C'est ça, puis moi je croyais que c'était juste une prostituée, mais pas du tout. Ah non, c'est une cosplayeuse. Oui, voilà. Un petit peu plus. Un peu entre les deux. C'est ça. J'essaie de l'appeler. Une prostplayeuse. Donc elle répond... Oui. Ah, salut Lucie. C'est Nicky. Vous allez bien j'étais obligé de partir, mais vous allez bien? Il va bien aussi? On va mieux. On va bien, tout le monde va bien. Comment va Alistair? Il va bien. Il nous a engueulés. Non, Alistair, c'est... C'est moi. Tu confonds avec Karl, peut-être. Ah oui, Alistair, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est le... Pardon, excuse-moi. Je peux vous engueuler si vous voulez. Hein. Alistair va bien, on va tous très bien. On voudrait te voir, est-ce qu'on a des petites questions? Oui. T'as l'air de savoir un peu notre condition, non? De connaître notre condition. Ça te dit rien? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Là, c'est le me-jeu qui parle. Parce que je la vois dans mes rêves, dans mes visions. Mais... J'ai eu des visions et je l'ai vue. Et puis, Nicky, juste, ton personnage était en train de se noyer et elle t'a... Sauvé. Elle t'a sauvé de la noyade alors qu'il n'y avait pas d'eau autour de toi. Oui. Il n'y avait pas un truc comme ça? Je suis tombé dans une fontaine. Hein. Comment ça? Si, elle tombe... Enfin, Nicky s'est fait projeter dans le... Non, c'est pas dans la fontaine, dans la mer directement. Dans la rivière. Ouais, dans la mer, pardon. L'entrepôt était en bord de mer, il s'est fait projeter par une fenêtre directement dans l'eau. Il y en a pas un qui s'est fait remplir les poumons d'eau, direct, comme ça? Alors, on va, si vous voulez, remettre un petit peu en arrière ce qui s'est passé sur les morts. Donc, Nikki était la première, je crois, à mourir. Elle s'est fait projeter donc par une fenêtre et est tombée directement dans la mer. Non, oui. Non, c'est moi le premier, moi je me suis pris 3 balles. Oui, t'es mort en premier, toi? Oh oui. Je crois peu importe. Pas, bon... Donc toi, effectivement, tu t'es pris des balles, toi ? Oui, de mémoire. Effectivement, tu t'es pris des balles. Harvey, lui, c'est une poutre qui lui est tombée dessus, un dégât collatéral, un golem qui avait un peu bousillé, commencé à bousiller l'entrepôt, et il y a un truc qui lui est tombé sur la gueule. Et Alistair s'est pris un arrêt cardiaque, en fait, qui a été un petit peu déclenché manifestement par Gordon, mais néanmoins... C'est ça, je savais bien qu'il y avait un truc très, très peu explicable de prime abord. Ah, il a eu une crise cardiaque, quoi. Ça n'avait pas l'air d'être d'origine tout à fait naturelle, mais c'était une crise cardiaque. Mmh. Et donc, je comprends pas trop ce que tu veux me dire, mais... Ok, bah Lucie, il faut absolument qu'on se rencontre et que tu revois Alistair et moi par la même occasion. Ça te dirait qu'on se rencontre, qu'on se voit, genre ce soir? Oui, mais où êtes-vous? On est en direction de telle adresse. Je ne sais plus l'adresse. Si tu veux, on se voit à côté, là. On y va tout de suite. Ok, alors l'adresse c'est Butler Street, sur Brooklyn, dans le quartier de Carroll's Garden. Et donc, bon, elle dit, d'accord, un peu... Au café du coin, entre Butler Street et la quatrième avenue. Tu dis n'importe quoi. Je m'embête à faire des vraies adresses et tu donnes des informations complètement aberrantes. Il y a bien un café à côté, peut-être que je le connais d'ailleurs. Oui, bon. Quand je suis new-yorkaise. Je ne sais pas. Non, mais enfin, c'est pas parce que tu es new-yorkaise que tu connais tous les quartiers de New York. Non, mais il y a forcément un Starbucks. Mais bien sûr, on peut trouver une... Ou un McDonald's. Donc, elle répond pas de soucis, un peu surprise, mais néanmoins, semblait quand même inquiète, et donc elle accepte. Ok, très bien. Carl qui se retourne vers vous, il dit, c'est quoi votre plan, là? Vous croyez qu'elle peut nous aider, votre copine? On va vite le savoir. Et maintenant, je me tourne vers Alistair et je lui demande comment il connaît Lucie. Oula, ça remonte à loin, ça. On a tout notre temps. Vas-y, on est mort déjà, donc... Alors, comment je la connais déjà? Une amie d'enfance, en fait. D'accord. Et on s'était perdu de vue... On se perd de vue très régulièrement et on finit toujours par tomber l'un sur l'autre, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, c'est pour ça que je me suis jamais embêté à avoir ses coordonnées, puisque de toute façon, je sais que je vais la retrouver. C'est original, ça. Tu penses la recroiser comme ça? C'était invariable, ça a toujours été comme ça. Ah oui, d'accord. Et c'est le hasard, tu crois? Pas le hasard, j'en sais rien, mais en tout cas, ça s'est toujours passé comme ça. D'accord. Donc après, voilà, c'est une amie d'enfance, on monte à loin maintenant, je suis plus jeune. Vous avez jamais été en couple? Non. D'accord. T'as quel âge, toi, pardon? Ton personnage, il a quel âge? Il est de 87. Donc 32 ans, à peu près. 32 ans, oui. Et Lucie est plus jeune, non? Non, elle a le même âge aussi? Un petit coup de jeune, oui, environ. Ouais. Peut-être 2 ans de différence, pas plus. D'accord. Et oui, si je dis ça, genre, c'est parce que dans mes visions, ça parlait de Lucie, c'est pour ça. Hein. Mais écoute, moi je vous laisse parler et éventuellement partager vos visions. Hein, je rentre pas dans les détails, mais. Il n'y a pas de souci. Après, vous me dites quand vous voulez faire avancer le temps, mais si vous voulez discuter, j'ai aucun souci avec ça. Au contraire. Mais écoute, Alistair, je crois que tu es lié à Lucie d'une façon ou d'une autre, et ce serait bien de le savoir. Oui, clairement, mais dans quelle mesure et pourquoi, ça, c'est quelque chose qui va peut-être prendre forme justement avec notre nouvel état. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je la vois en vision. Toi aussi? Oui. Elle semble assez perdue. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Tu connais son travail, à Lucie? Ce qu'elle fait aujourd'hui comme travail? Non, elle a travaillé pour toi, il me semble. Pour moi, dans mes locaux, effectivement. T'es sûr? T'es sûr que tu sais pas? Attends. Là, de ce qu'elle fait maintenant, là, j'ai pas souvenir. Dis-moi, Alistair, Lucie, tu l'aurais pas présenté à Timon? Non. Timon du Roi Lion, le mec du Roi Lion? Non, Timon, mon ami qui est décédé. J'ai pas souvenir, non. Donc, excusez-moi, je corrige un petit truc. Alistair, effectivement, tu sais que donc, c'est une amie d'enfance et tu l'as... Enfin, je te laisse relire. Je sais pas ce que tu veux dire ou ce que tu ne veux pas dire à tes camarades, mais dans ton background, tu sais plus de choses que ça sur elle, notamment ce qu'elle fait comme travail. D'accord. D'ailleurs, tu l'as régulièrement aidé à se protéger contre certains de ses clients. Ah. Mm-hmm. Ah oui. Ok. Oui, d'accord, c'est je me rappelle. Là où je te copie une partie, si tu veux. Non, c'est bon. Je me rappelle. C'était très loin, effectivement. Je me souviens, oui, effectivement. Oui, je sais ce qu'elle fait. J'avais bien rigolé quand j'ai trouvé ça. Alors, peut-être que les deux autres ne le savent pas, par contre. Eh bien, elle fournit des services dans mon hôtel, en tout cas. Services sexuels, à base de fouet et autres menottes. Voilà. Et du latex. Important. Un service reste un service. En sexuel, tu sais pas trop, en fait. C'est assez ambigu. Tu sais pas où, jusqu'où ça va. Je suis jamais allé regarder dans la chambre ce qui se passait, effectivement. Donc, j'ai pas souvenir de l'avoir présenté à Timon. Ok. Non, c'est effectivement pas le cas. Ok. Non, parce qu'il m'a dit qu'il y a un peu avant de mourir, il m'a dit qu'il fréquentait une certaine Lucie, donc... Est-ce qu'il avait des pratiques un peu originales? Mais bon... Ah, c'est surtout que, bon, Lucie, c'est un prénom qui est un peu commun. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, nous qui nous connaissions pas, on a quand même des gens qu'on a l'impression de... qui font le lien un peu entre nous à d'autres étapes, peut-être que... Et, bon. et qui viennent nous sauver la vie, enfin, entre guillemets. Pour ça que je propose de la rencontrer, si vous êtes tous d'accord. Hein. Oui, pas de souci. Bah, du coup, moi, j'ai des questions à lui poser. Savoir si c'est bien la Lucie de Timon ou pas la Lucie de Timon. Ok. Est-ce qu'on fait ça avant d'aller... Oui, parce qu'on peut se faire massacrer en allant chez... Autant qu'on sache avant. chez Gordon. Autant mourir en sachant. Oui, on n'aura peut-être pas une deuxième chance, alors du coup... Ok. Après, vous me dites si vous en avez fini, j'avance. Pour moi, c'est bon. Ouais. Bon. Donc, effectivement, vous vous retrouvez à un café. Alors, Karl, lui, vous laisse... Enfin, vous interroge un peu, mais vous laisse tranquille si c'est ce que vous souhaitez. Pas forcément envie de discuter avec elle, lui. Il a plutôt envie d'en finir avec votre ennemi. Avec Morpheus. Exactement. Du faire avaler toutes ses pilules par l'anus. Et donc, voilà, il va prendre un café et puis il va discuter au téléphone un peu plus loin. Donc, Lucie arrive. Donc, l'air manifestement inquiète. Elle vous regarde tous les quatre. Elle vient à votre table. Je l'accueille avec une embrassade chaleureuse, déjà. Qu'elle te rend tout aussi chaleureusement. Peut-être même te retient-elle dans ses bras une seconde de plus que d'habitude. Uh-huh. Et ben moi, je la salue. Hein. Bah, elle te salue aussi. Comme vous avez l'habitude, soit elle te fait la bise ou je ne sais pas. Donc, comme tu le vois, on va beaucoup mieux. On va beaucoup mieux, Lucie. J'en suis vraiment ravi. Et on te présente, si tu ne connais pas. Hein. Nous sommes avec Harvey et Élise. Donc, effectivement, elle ne les connaît pas. Bonsoir. Donc, elle vous souhaite le bonsoir également. Enfin, elle les connaît un petit peu puisqu'elle leur a aussi sauvé la vie quand même, mais sans plus. Oui, alors, Lucie, on voulait te voir parce qu'on vous demandait ce que tu faisais. Enfin, comment ça se fait que tu nous as sauvé la vie? Qu'est-ce que tu faisais là, en fait? Rien de bien précis, en fait. Ah bon? Je me baladais comme ça m'arrive souvent et voilà je... Et par hasard c'était nous quoi? Bah en fait je t'ai vu traverser la vitre et tomber dans l'eau. Je t'ai plus ou moins reconnu, j'ai eu une espèce d'instinct. En tout cas, de toute façon, je me suis précipité vers toi et je t'ai reconnu en te ressortant de l'eau. Et ensuite Élise trouve cette histoire particulièrement louche. Et voilà, en comprenant qu'il y avait du grabuge dans l'entrepôt, je suis allé dans l'entrepôt et j'ai croisé voilà, les autres personnes que j'ai essayé d'aider de mon mieux. D'accord. Et tu te demandais pas ce qu'on faisait ici? Que je sois avec ton ami d'enfance, par exemple, que je suis pas censé connaître? Donc tu sois même passé par la fenêtre, en fait? Ah bah ça, après, je me suis posé des questions, mais j'ai trouvé personne pour y répondre. Et bah, d'accord. Alors, je vous demanderais bien de faire un jet pour savoir si elle ment ou pas. Encore faudrait-il que je trouve... Perception, astuce plus calme. Oui, ça me paraît pas mal. Sinon, tu peux demander des jets d'empathie. Astuce plus empathie, ou intelligence plus empathie, ou alors, effectivement, astuce plus composure, plus calme. Bah, c'est toi qui... Astuce plus calme, c'est plus pour voir la santé d'un PNJ, tu disais. Je sais pas. Hein. Astuce plus calme, c'est la perception en général. Ouais, mais c'est aussi la perception de base, en fait. D'accord. Mais là, on est plus dans la psychologie, non? Cool, ouais. Ouais, allez, on va plutôt dans... ouais, on va plutôt être dans l'empathie. Hein. Allez. Mais si tu dis psychologie, parce qu'il y a un truc psychologie, non? Non, je... Il y a empathie, en fait. Subterfuge, peut-être aussi, pour repérer le mensonge. Oui, allez, allons-y pour... subterfuge, c'est plus l'inverse, c'est plus pour être dans le mensonge, je pense. Caché, ouais. Je me demande si... qui permet les deux. Ouais, je me demande si ça permettait pas les deux dans les bouquins de base de... Vous savez quoi, vous me faites un jet d'astuce plus empathie ou subterfuge et c'est marre. On va pas se prendre la tête. Et les spécialisations, ça fait quoi? Ouais, ça va tout changer parce que j'ai zéro dans les deux. Ça... Moi, j'ai plus en empathie, donc c'est parti. Pourquoi pose-t-il la question, hein? 5 succès. 5 succès, c'est un succès. Oh la vache. C'est un... Je la sens bien cette soirée. Ah, Élise, c'est comme d'hab. Ouais. Bah, un succès, c'est un succès. Hein. Ouais. 1 sur 6. Ouais. Toi, t'as fait un succès exceptionnel, Nikki. Hein. Tout à fait. Donc, ça te donne un... Donc, ceux qui ont fait des succès classiques, elle vous paraît tout à fait sincère. Voilà, pas d'ambiguïté particulière. Pour toi, Nikki, elle te paraît particulièrement et méchamment sincère. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elle ne comprend pas plus ce qui vous arrive. Ou, voilà, manifestement, elle déambulait vraiment dans ce quartier-là sans plus de raison que ça. D'accord. Et comme j'ai bien révisé les règles, 5 succès, ça veut dire que ça te donne une condition, je crois. C'est ça, ouais. Succès exceptionnel, normalement, ça te donne une condition, donc une espèce de petit boost. Condition... C'est pas illuminé, mais c'est le... J'ai plus le terme. D'accord. Béni, bénédiction. On voudrait surtout les faits. Bah oui, concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte? Des bonus pour le dos de GD? Bah du 9 plus peut-être, tu relances sur 9. Ouais, je crois que c'est ça. C'est... Oui, oui. Non, c'était... J'ai plus tout le truc en tête et puis je sais plus si c'est... Non, normalement c'est de la V2, donc... T'es inspiré. Ouais, c'est ça. Pardon? Tu deviens inspiré et là tu vas me dire, mais c'est quoi? D'accord. Après, tu pourras expirer. Alors, en fait, ça veut dire que lorsque ton personnage entreprend une action en accord avec cette inspiration, tu peux résoudre cet état. Mm-hmm. Alors, résoudre l'état, ça te fait gagner un XP, bon, ça, on s'en fout. Et pour cette action, tu n'as besoin que de 3 succès au lieu de 5 pour obtenir un succès exceptionnel. Ouais. Et tu regagnes un point. D'accord. Mais je l'écris quelque part. Ok. Oui, tu l'écris, tu le retiens. Pour information, dépenser un point de volonté, c'est plus 3D sur un jet. Oui. Ou plus 2 sur une résistance. D'accord, ok. Et on peut dépenser qu'un point de volonté par action. Et vous regagnez un point de volonté par nuit complète. Voilà. Mm. Vous savez tout sur la volonté. Ah, c'est pas exactement tout. Après, t'as les vices et les vertus. Est-ce qu'on peut connaître, j'ai envie de connaître son état de santé à Lucie? Ouais, bah tu fais un jet d'astuce plus calme. Ah, c'est moins bien. C'est un succès, hein? C'est un succès. Attends, ouais, sur Chronicle of Darkness, un succès reste un succès, hein, y a pas de souci. D'accord. Tu as réussi, maintenant c'est oui ou oui mais ou oui et. Ça dépend du score que tu as fait. Quoi. Donc, un succès. Non, mais juste pour ça, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, c'est la réalité morbide, ça, je crois. Donc, tu vois qu'elle est en bonne santé. Aucun souci avec ça. D'accord. Elle n'a pas chopé de maladie chelou. Avec son travail chelou. Non. Non. Ok. Donc, tu crois que ce serait le destin qui nous a amené à nous revoir, Lucie? Tu sois là au bon moment? Elle hausse les épaules, je ne sais pas. J'ai toujours eu une espèce de connexion étrange avec Alistair. On a souvent rigolé, mais je ne sais pas. Ok. Si vous avez d'autres questions, moi j'en ai plein. Hein. Vas-y, parce que... Il me semblait que tu avais une question, Alice. Mais... Oui, mais j'attends le bon moment pour lui balancer ça. La bombe. Ouais, je consulte les autres PJ. Moi, j'ai envie de le balancer de notre état et tout, quoi, lui dire... Bah, si tu le fais pas, c'est moi qui le fais. Donc... Bah, vas-y, peut-être c'est mieux que ce soit toi qui le fasse. Elle va plus te croire, toi. Que... Ok, donc j'aborde le sujet... En théorie, quoi. Avec Lucie, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ça va être un petit peu étonnant, mais tel que tu nous vois là, on est mort, en fait, dans cet entrepôt. Oui, j'ai cru le comprendre avec ce que m'ont dit les secours après. Hein. Mais je vous ai sauvé. Oui. Disons qu'on n'est pas revenu, on n'est pas revenu seul, on est revenu accompagné. Elle fronce les sourcils. T'as raison, Alistair, c'est pas du tout flippant quand tu le présentes comme ça. Ouais, mais j'aime bien, justement, mettre un petit peu de suspense. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? On est tous accompagnés par un fantôme. Voilà, on a fait un deal avec un fantôme et on est revenu. Il nous conseille. Waouh, c'est... Voilà. Elle sourit un peu au début, genre, tu me fais une blague, et puis bon, elle se ravise, mais vous êtes sérieux? Bon, c'est très bien que j'ai aucun sens de l'humour. On est dans un café, là. Ouais. Elle lance un pouvoir. Elle demande si elle est sérieux, moi je vais faire marionnette plus industrielle et toutes les machines à café vont commencer à vibrer et à comme s'il y avait un petit tremblement de terre, mais uniquement des machines à café. Tu peux faire quoi avec ça? Tu peux manipuler les... Je peux... Avec marionnette et industriel, je peux manipuler les objets technologiques. Sinon, tu fais sonner tous les téléphones portables. Ouais, c'est plus marrant. Oui, ça peut être ça. Il y a plus de technologie que dans une machine à café. Alors, je suis pas sûr que tu puisses les faire trembler, mais peut-être les utiliser, genre les faire cracher la vapeur, etc., genre de truc. Ah, les machines. Oui, voilà. L'idée, c'est de faire ce genre de truc, tu vois, en petite manifestation, un peu à la Poltergeist, tu vois. Ok. Par contre, tu vas faire un jet parce que je rigolerais que tu te foires complètement et qu'il se passe rien du tout. Ouais, bien sûr. Alors, manipulation plus key skill plus marionnette. Les sentient being target ont un jet de résistance, sinon... Oui, on s'en fout. Manipulation, key skill et marionnette. Alors, key skill, on n'a pas de poids. Je vous les avais donné normalement. Ah oui, oh, merde. Alors dis-moi, c'est quoi, marionnette industrielle, c'est craft. C'est craft, ok. Craft, c'est artisanat. J'ai 3, manipulation, 2, ça fait 5, plus marionnette, ça fait 2, ça fait 7. Là, je me foire, bien sûr. 7D. Mais non. Bah tiens. Donc là, tout le monde te regarde pendant quelques secondes. Ouais. Une petite goutte de sueur coule sur ta tempe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Ouais, t'es débutant, c'est parce que t'es un débutant en ce moment, c'est pour ça. C'est parce que je genre de trafiquer les macros de Roll20, je vous rappelle que quand même... Quelque part, on est un peu déçus. Je fais pas plus d'un succès malgré le fait que je lance des brouettes de DA. Ok. Regarde, je comprends pas, qu'est-ce que... Ça t'a coûté du plasma, là. Ça te coûte un point, non? Non, ça te coûte pas un point. Attends, je crois que c'est pire que ça. Est-ce que c'est une dramatique faillure? Je ne sais plus comment on fait les échecs critiques. Avec tous les 1 que tu m'as fait, je pense que oui. Non, parce que les échecs critiques, c'est seulement si tu lances un seul dé et qu'il fait 1. Ouais, c'est vrai. Ou si tu décides que ça devienne un échec critique et du coup... Tu gagnes un tilt. Donc non, c'est juste une foirade. C'est bon, Lucie, t'inquiète pas, ça va venir. Attends, industriel marionnette. Si, tu vois, télékinésie et tout ça, c'est marrant. Oui, effectivement, ce que je suis en train de voir. Non, bah écoute, histoire qu'il y ait un petit truc quand même. Il va y avoir un truc qui va lui prouver que je dis la vérité. Mais je vais transformer mon échec en échec critique pour gagner le tilt. Et je te laisse gérer le fait que le truc parte en sucette et que je ne puisse plus utiliser du tout le pouvoir de marionnette sur le reste de la scène. Si ça te va, bien sûr, mon jeu. Après, comme il n'y a pas d'enjeu, Oui, tout à fait. Le fait d'avoir un échec critique est peut-être pas intéressant, mais je m'étais dit que du coup, le fait de faire un échec critique, ça pourrait justement amener un effet légèrement surnaturel, complètement débile, à la place, tu vois, faire un truc qui parte complètement à l'opposé de ce qui était prévu, quoi. Donc tu voulais faire quoi, en fait? Tu voulais faire trembler les... Déclencher toutes les machines à café ensemble pour qu'elles fassent de la vapeur, ou faire sonner tous les téléphones portables, ou faire un truc comme ça, ou... On va rester sur les machines à café, du coup. Eh ben, écoute, les machines vont exploser. Donc, elles explosent, projetant de la vapeur et du café brûlant tout autour. Donc, les employés touchés, il y en a quand même quelques-uns qui se mettent à hurler de douleur. Et bien sûr, ça se produit à peu près 5 minutes après que j'ai lancé le truc. Et comme ça, tout le monde est persuadé qu'en fait, il ne s'est rien passé. Ça n'a rien à voir. Et qu'à un moment, ça explose et je fais « Oh merde !» Non, non, c'est quelques secondes après. Et donc voilà, les gens se mettent à hurler, il y a une grosse commotion du coup. Il y a quelques personnes qui se mettent à fuir du café en pensant à une attaque terroriste quelconque. Enfin voilà, un beau début de panique et des gens vraiment, vraiment blessés, assez sévèrement. Bien joué. Tu vois que je me suis tout assis sur la banquette, je suis resté le nez dans ma tasse de café, je bouge plus, je dis plus rien, je fais merde. Bravo. Oups. Non mais voilà, écoute, Lucie, c'est bien la preuve qu'on sait faire des trucs, c'est juste qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement nos capacités. Oui, bon d'accord, des fantômes, bon, je suis comme tout le monde, j'en ai déjà vu un ou deux, mais de là à croire que vous pouvez faire ce genre de choses... T'as déjà vu des fantômes, Lucie? C'est-à-dire? Oh, voilà, j'ai déjà aperçu des choses bizarres, oui. Des personnes qui passent des portes fermées. Oui, ça m'est arrivé. Ça s'appelle des cambrioleurs, ça, Lucie. Pas quand la porte reste fermée alors qu'ils passent au travers. Et je vous trouve bien incroyant pour quelqu'un qui vient de faire exploser une machine à café. Oui, c'est vrai. Disons que je viens juste de revenir de la mort, on va y aller petit à petit avec les trucs surnaturels. Hein. Puis ça se trouve, c'était une surtention, c'était même pas moi. C'est pas du tout ce que je comptais faire à la base. Du coup, elle vous regarde alternativement Nikki et Alistair dans les yeux. Et, c'est vrai, vous savez faire ce genre de choses. Vous êtes lié à des fantômes. Et elle cherche vraiment à avoir votre validation sérieuse pour vous croire. Tout à fait, on est lié. Le mien s'appelle Angawasgon. C'est un Indien de la région qui est mort il y a une bonne centaine d'années, même 200, 300. 400 tout au plus. Allez, on arrondit à 500. Oui, ils sont là avec nous en ce moment, Lucie. Ils sont dans ce café avec nous. Ok. Il n'y a pas moyen de lui faire voir un autre geist, vu qu'en plus, elle a déjà vu des fantômes. Peut-être qu'elle est réceptive. T'as rien à faire de spécial. Tu sais, tu vois pas bien ce que tu pourrais faire, quoi. Ouais. Je demande à mon geist de s'asseoir avec nous à la table. Ou de toucher Lucie, d'une manière ou d'une autre. Lui, te dit qu'il a un peu perdu ses pouvoirs de fantôme. Enfin, il n'est plus vraiment un fantôme maintenant. Il est lié à toi et du coup, il ne peut pas manifester particulièrement d'effet, à part à travers toi, sur le dans le monde des vivants. Par contre, les fantômes, oui, ils peuvent le faire. C'est différent, d'accord. Moi, je fais plus rien. Parce que si elle explose comme une cafetière, c'est bon, ça va encore me tomber dessus. Je fais plus rien. D'ailleurs, il te dit aussi, ton geist, que le fait que vous soyez proche des fantômes leur facilite la vie, en fait, quand ils essaient de se manifester ou de faire des choses, des effets dans le monde des vivants. D'accord. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir un ou deux fantômes autour de vous. Il y en a un dans la rue et un dans le café qui est en train de lire un journal par-dessus l'épaule de quelqu'un. Et tu les vois, Lucie? Regarde, ben, je lui pointe le mec qui lit le journal. Le fantôme qui est le journal. Mais elle secoue la tête. Bon, peut-être que t'as pas aussi bu de bière, Lucie. Faut qu'on te file une bière supplémentaire, peut-être. Ok, bon, bref, peu importe. Crois-nous, Lucie, s'il te plaît. D'accord, mais pourquoi vous me dites ça? Est-ce que tu connais Gordon Steven? Elle secoue la tête. Et Jebedia Koons? Elle secoue la tête. T'as jamais eu de client qui s'appelait comme ça? Non, alors, mes clients me donnent pas forcément leur nom complet, mais non, ça me dit rien. C'est vrai, ça se tient. Bon. Excuse-moi, Alice, de te poser cette question, mais comme tu connais bien Alistair et que j'avais l'habitude de faire du trekking avec Alistair et un autre de nos amis, je voulais savoir si tu le connaissais aussi, un certain Timon Wells. Début, elle fronce un peu les sourcils, elle ouvre un peu la bouche, ses yeux s'écarquillent un peu. Oui, ça a été un de mes clients. Client. Oui, je te raconterai, Élise. Ok. Bah, je crois que vous l'avez déjà dit, non? Non. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour pas me mettre mal à l'aise, Lucie, pour pas qu'elle sache qu'on a raconté aux autres. D'accord. Pourquoi? Non, comme ça, parce qu'il m'avait dit qu'il fréquentait régulièrement une certaine Lucie, donc comme on se retrouve tous avec des liens qui se croisent et s'entrecroisent, je me suis dit que... Ouais. Là, tu vois qu'elle fait une espèce de mou quand tu dis fréquentait, et ses yeux se voilent un petit peu. Mm-hmm. Mais elle n'en dit pas plus, pour l'instant. Astuce plus empathie, go. Je peux? Oh, c'est, si tu veux, mais enfin là, elle cache quelque chose, manifestement. C'est pas... Ouais. Ça paraît assez clair. Ouais. Là, je vais lancer, et je fais 5 succès. Elle a même lancé un petit regard en coin. Tu fais 5 succès encore? Du pipe. Elle lance même un regard en coin vers Alistair. Et donc, oui, non, très clairement, elle sait des choses sur Timon, Simon, qu'elle ne. Enfin, pour l'instant, elle ne le dit pas. Tu sais que tu peux nous parler, hein, Lucie, tu peux nous faire confiance. Encore une fois, un regard en coin vers Alistair. Et elle dit c'était un de mes clients et c'était pas le plus. Enfin, il a été très violent avec moi. Ah bah, sympa, tes potes. Pardon. Et du coup, j'ai eu affaire à lui ou pas alors? Non. Toi, tu as eu affaire à lui quand tu as fait quelques trekking avec Ellis. Mais non, ça fait pas partie de... Non, il a été très violent avec moi et effectivement, il voulait qu'on ait une relation plus proche. Mais pour moi, c'était juste un client. Et quand j'ai refusé, effectivement, il m'a frappé. Mais j'ai appris plus tard qu'il était mort peu après. Mm-hmm. Il est mort comment, en fait, Ellis? Lors d'une randonnée, une chute dans les rocheuses. Ah, ah, pas de chance. Ah oui. Ça n'a jamais été très clair. Ah, la tuile. Ouais. Bah, ça glisse, quoi. Si, ça a toujours été relativement clair, au contraire. Hein, c'est un vrai accident. Ouais, d'accord. On a tendance à se méfier de tout, là. C'est un accident. Oui, a priori, oui, c'est un accident. Hein. Enfin, t'as jamais eu d'informations contraires là-dessus. Hein. Même des témoins qui ont pu dire qu'il était tout seul et qu'il a chuté. Quoi. Il était pas... Personne l'accompagnait. Enfin, voilà, a priori, personne ne l'aurait poussé. Personne de visible. Tintin. C'est ça. Parce que peut-être que pour quelqu'un qui voit des fantômes... Tintin. Bref. Ça se tient, hein, je trouve. Ouais. C'était un randonneur expérimenté qui connaissait bien le coin et ce fut un choc. Surtout pour lui. Bon, si on se rapprochait de notre objectif, parce que là, manifestement, on a fait le tour de ce que Lucie peut nous apprendre. Elle a surtout fait le tour de ce qu'on peut lui apprendre pour l'instant. Ouais, ça, il nous a rien appris, quoi. Elle répond à rien. Ouais, c'est ça, ouais. Elle répond de son mieux. Mm-hmm. Je demande à Angosgun s'il peut aller faire un petit tour à l'extérieur. On est proche de l'endroit où on doit arriver, là, de l'adresse. Ah oui, tout à fait, là, tout à fait proche. Ouais. Je demande à Angosgun d'aller faire un petit peu de repérage au plus... Il peut pas faire ça, il peut pas s'écarter de toi. Mais s'il peut s'écarter un petit peu, au moins, voilà, pas 200 mètres, mais il peut prendre 10 mètres de battement quand même. Ouais, 10 mètres, c'est beaucoup. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, si vous voulez surveiller, c'est Bonyard qu'il faut utiliser. Hein. C'est ça qui vous permet de voir, hein, sur une étendue entendu autour de vous. On n'a plus d'intimité, quoi. Vous ne pouvez pas servir de votre geist comme d'un éclaireur. Ok, bah allons-y alors. Je l'envoie un éclaireur et je vais avec lui, quoi. Ça. Par contre, je crois qu'il y en a parmi vous qui maîtrisent le bognard. Moi, j'ai, je crois. Hein. Donc, du coup, enfin, vous regardez un peu, je vous avez quelque chose à faire, je vous attends là ou enfin. Non, non, on retourne chez toi, Lucie. C'est gentil d'être venu. Eh ben non, reste avec nous. Mettre en danger, c'est pas ce qui va nous tomber dessus. Mais écoute, attends-nous dans le café, on revient dans une heure. Ouais, on sait jamais quand est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour venir le ressusciter, en fait. Ou nous fouetter, éventuellement. Ça peut nous ressusciter. Voilà. Ouais, c'est pas fou. Ah, Lucie, elle réveillera un mort, effectivement. Hein. Je vous enjoins à regarder la photo. Effectivement. Bon, ok. Elle est d'accord ? Elle est d'accord. Donc, une fois que vous bougez, Karl se rapproche de vous, c'est bon ? On a fait nos adieux. Merci, Karl, c'est sympa de ta part. On peut sauver nos vies, ça y est ? Et la tienne surtout, parce que nous, on est déjà morts. C'est déjà fait. Ouais, enfin, je vous rappelle que dès qu'il va savoir que vous n'êtes pas vraiment mort, il risque de vous courir à nouveau après. Et qu'est-ce qu'il peut nous faire concrètement ? Nous faire disparaître dans les limbes ou quelque chose comme ça ? Ça, j'en sais rien. Il peut vous refaire la même chose qu'il vous a déjà fait la première fois. Et je sais pas si la deuxième fois, ça marchera mieux. Bah, on va vite le découvrir. Je suis remonté. J'ai envie d'en savoir plus. Il vous avait filé du matos, je crois, ou enfin, à ceux qui le souhaitaient, en tout cas ? Oui. Tout est noté. Des armes, hein, moi j'ai des armes. Ouais, voilà. Ok. Moi, j'assemble mon épée. On avait des trucs là, des armes qui correspondaient au Geist. Au Geist, ouais, je crois. Oui. Vous avez des objets qui. C'est eux qui les ont ? Oui. Non, c'est vous qui les avez. D'accord, ils sont réels. Ce sont des keystones. Oui, ce sont des objets en fait qui se trouvent dans les deux mondes en fait. C'est un objet qui est à la fois dans le monde des vivants et dans le monde des morts. J'avais noté Thorn, c'est ça ? C'est une épine ? Thorn, c'est ton. Comment on appelle ça ? Seuil. C'est ton seuil, c'est la façon dont tu es mort. Ah. Moi, j'ai une batte de baseball, donc c'est très très bien. Ah oui, là. Moi j'ai une médaille de Saint-Patrick. C'est ça. Ça pourra servir si on a besoin de bière. Ah oui, moi j'ai une masse de guerre. Vous avez bien choisi les. C'est ça, des trucs. Donc vous vous rendez près de la propriété en question. Oui. Ouais. Donc une. Qu'est-ce qu'il fait, Karl ? Il nous attend ou il vient avec nous ? Ah non, bien sûr, il vient avec vous. Il vous a dit hein, que c'est pas non plus un guerrier, mais que voilà. La première fois, il nous a engueulé parce qu'on l'avait pas attendu. Et là, la deuxième fois, il nous dit mais non, mais partez devant. Il nous dit allez-y en éclaireur. Deuxième fois, il part tout seul. C'est à nous de l'engueuler. Après, il nous attend. Moi, je garde un chien de ma chienne, hein, quand même, parce que le mec, il est sion, il est descend des dieux, il fait de la magie, etc. Vous avez quand même envoyé au casse-pipe face à un mec surnaturel. Il vous a spécifié de pas aller lui taper. Vous m'avez complètement chié mon premier scénar en allant confronter le mage. Ne retournez pas les rôles. Oh, on a fouillé un entrepôt. Il fallait pas préparer aussi bien ce scénario, c'est ça, c'est tout. Ça, jouer pour voir ce qui se passe, la règle. Moi aussi, j'ai marionnette comme manifestation. Bon, approchons-nous. Alors, comment ça se présente, cet endroit ? Bah, donc, c'est une propriété avec un portail. C'est une belle baraque, quoi, avec un portail en fer, des petits murs qui sont à hauteur d'homme. Il y a quoi, 1m80, 2m de mur. Un jardin au-delà qui a l'air assez bien entretenu. Et puis, une belle villa, pas gigantesque non plus, mais une belle baraque de plein pied au milieu de cette propriété. Ok, j'active mon bognard qui me permet. Attends, je suis en train de relire en même temps. Moi, je m'éloigne du coup. Parce que j'ai vu ce que ça faisait les pouvoirs. Je suis pas. Non, en vrai, je m'éloigne aussi parce que je ne sais pas si le fait de détecter l'autre, ça va pas être à double sens et va pas se faire détecter au même temps. Donc, je me dis qu'on aura peut-être plus de chances de faire d'être discret si on est un peu plus espacé. Oui. Ok. Le bognard, en fait, là, va dépendre de tes succès. Oui. Donc, il faut que tu fasses ton jet d'astuces plus bognard plus key skill. Donc c'est 2-2, j'ai 6. Et le key skill, ça dépend de ta clé. C'est quelle clé que tu utilises ? Attendez. Ah bah, suivant ce que tu vas vouloir détecter, c'est ça ? Ça va être une clé différente ? C'est marqué. J'ai vent froid. Non, il va avoir la détection, je crois, de base. Mais ensuite, il peut rajouter un effet de froid avec le cold wind. Et ton autre, c'est quoi ? C'est ça. Fantasme, non ? Ouais. Tout à fait. Le fantasme, ça me permet de faire quoi, ça ? Ça me permet de voir, attends, à travers les illusions. Ouais, je veux savoir s'il y a des... Vu que c'est un magicien, le gars, et s'il y a des protections magiques, des choses comme ça. Ça se tient. Donc ouais, c'est peut-être plus fantasme, du coup. Non, c'est l'inverse, c'est de pouvoir faire des illusions. The power to see through any illusion which exists within the boneyard area. En plus, c'est magnifique. Ah, c'est cheaté. Mais tu peux aussi affecter, regarde, Fantasmal Boneyard 2. Ah oui, en dessous, exact, ouais. tu peux affecter la perception d'un individu dans le boneyard. Bon, c'est peut-être pas ce que tu cherches à faire pour l'instant. Ah bah parfait. On va rentrer comme dans du beurre dans ce truc. Bon, mon but, c'est de savoir s'il y a des protections magiques qui pourraient nous embêter. Ok, donc là, tu veux pas forcément activer d'effet particulier. D'illusion. Non, déjà voir ce qui nous attend. Bon bah, donc si tu utilises le fantasmal, le fantasme, c'est persuasion. Ok. Donc astuce plus persuasion plus... mon boneyard. Boneyard, ouais. Persuasion, tu m'as dit? Ouais. Ouais. J'ai que 5. Ah non, 6. 6 succès. 4 succès. 4 succès, c'est déjà très bien. 4 succès. Ah, attends, parce que t'as fait un succès exceptionnel. T'as été inspiré. Mais l'inspiration, c'est pas que pour tout ce qui est empathie, du coup, sociale. T'as refait. Ou ça s'applique pour tout? C'est normalement là où l'inspiration. Enfin, elle t'a donné une inspiration. Donc après. Moi, j'ai interprété ça comme tout ce qui était plutôt relation sociale, du coup. Compétences sociales. T'avais refait un jet sur les compétences sociales. En fait, t'avais, ton premier jet sur lequel tu avais fait un succès exceptionnel, c'était pour détecter les mensonges. Oui. Ton deuxième jet... Ah oui, et puis c'est vrai que je lui ai demandé pour son histoire avec Tim. Ton deuxième jet, t'avais essayé de voir s'il y a caché quelque chose. Ouais, tout à fait. Et là, t'es en train de lancer un sort pour essayer de voir s'il y a des illusions ou s'il y a des choses de cachées. Ah oui, ça reste une compétence sociale, du coup. Vu comme ça, on n'est quand même pas très loin. En tout cas, ça te fait une zone de 40 mètres autour de toi. Donc c'est déjà plutôt confortable. D'accord. Et je vois quelque chose de particulier qui pourrait nous inquiéter. Alors, donc, tu vois la maison, donc l'intérieur est relativement classique. Tu as un grand salon, salle à manger, tu as une belle cuisine à l'américaine, salle de bain, il y a deux chambres. Et en fait, tu vois personne. Et ce que tu vois par contre, c'est que il y a un escalier qui descend vers un sous-sol et il y a une autre pièce à côté du sous-sol, mais qui n'est pas reliée par une porte au sous-sol, qui semble être sans porte, quoi, comme si il y avait une pièce en plus à côté. Et effectivement, à l'intérieur, tu vois Gordon qui s'active. Alors, tu vois, il y a une bibliothèque, d'accord, des plans de travail, des livres ouverts, des décoctions, des choses un peu bizarres. Hein, tout ça pue la magie, ou l'idée que tu t'en fais, en tout cas. Oui, je raconte tout ça à mes collègues, hein, bien sûr. Mm-hmm. Une pièce sans porte, et comment on va faire pour s'y déplacer? Déjà, comment on va rentrer dans la baraque? Donc apparemment, il est tout seul, donc peut-être moyen de rentrer discrètement. Alors, en regardant un petit peu mieux, tu vois qu'en fait, au rez-de-chaussée donc, de la maison, tu aperçois deux statues, oui, telles que vous en aviez vues. Ah merde. Ça te fait étrangement penser aux statues que tu as vues dans l'entrepôt. C'est ça, c'est évidemment tout ce qui est statues, les armures de décoration et tout ça, à mon avis, il faut éviter. Faut éviter. Est-ce que tu peux maintenir la vision? Parce qu'à ce moment-là, nous... Enfin... Tant que tu restes concentré, il n'y a pas de souci. Bah oui, je reste concentré. Ça dure toute la scène, en fait, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu vois la cuisine, les poubelles de la cuisine, etc.? Oui, oui, oui. Pour savoir ce qu'il mange en général, est-ce qu'il se fait livrer, et s'il se fait livrer, si tu arrives à repérer une marque sur un truc, etc. Non, mais... Oui, c'est une méthode, pourquoi pas. Peut-être qu'il se fait livrer régulièrement les mêmes repas, tu vois, il prend peut-être des trucs, livrez-moi tous les soirs à 20h. Et puis... Alors, il y a un peu de tout, tu vois effectivement des sachets qui viennent de l'Indien du coin ou du Chinois du coin. Il y a manifestement des emballages qui correspondent à des plats préparés qui fait réchauffer au micro-ondes ou voilà, ce genre de choses. C'est plutôt de la malbouffe, entre guillemets, quoi. Enfin, la malbouffe. Et bah, qui veut se faire passer pour le livreur de chinois là? On peut. Après, l'idée, c'est peut-être d'essayer de rentrer justement sans éveiller ses soupçons, non? Sans attirer son attention, oui, c'est vrai. Bah, si on rentre sans attirer son attention, après, je sais pas de quelle perception disposent les... Malouin, il a raison. Les statues bizarres, et ensuite, s'il est dans une pièce sans aucune porte, comment on va le chercher? Qu'est-ce qu'on pense de Karl? Qu'effectivement, le mieux serait peut-être d'essayer de le faire sortir de là où il est, ou d'attendre qu'il sorte de là où il est, parce qu'on va bien finir par en sortir un jour. Oui. Faut bien qu'il bouffe, faut bien qu'il pisse. Bon. Oui, enfin, sous réserve qu'il n'ait pas déjà tout ça. Donc soit d'attendre qu'il sorte, soit le faire sortir. Parce qu'effectivement, juste pénétrer la maison pour se retrouver face à des statues, bon, lui a des doutes sur le fait que les statues soient vivantes d'elles-mêmes. Il pense plutôt que c'est lui qui les anime, mais bon, il n'en est pas sûr. La dernière fois, elles se sont mises à bouger que quand il est rentré, en fait. Ouais, mais là, on est chez lui, ça se trouve, il y a peut-être un espèce de système d'alarme magique, et puis de sa pièce, il peut peut-être les contrôler. Oui, ce qu'il veut pas dire. Carl hausse les épaules. Effectivement, je peux pas dire le contraire, j'en sais rien. Il est quelle heure? On est la nuit, là? Oui, c'est le... C'est pleine nuit, en pleine nuit. Tout à fait. Il doit être un... Parce que attendre devant la maison, paraît pas une super idée. Ouais. Apparemment, le voile fantasmatique, ça permet de modifier son corps. De prendre des formats possibles. Est-ce que ça permettrait de passer sous la porte, par exemple? C'est lequel, pardon? C'est The Call? C'est quoi? Le call, Phantasmal Call. Le corps devient doux et pliable. Alors, c'est plutôt utilisé pour faire peur, mais effectivement, ton corps peut devenir, oui, doux, pliable. Donc, oui, il n'y a pas de raison. Comme un ectoplasme, en fait. Donc, ça te paraît assez facile de... Ah. Enfin, tu te dis que tu dois pouvoir passer à travers le portail relativement facilement. Bon, après, le mur ne vous paraît pas non plus particulièrement impossible à franchir. Hein. Oui, après... Ah oui. C'est plus pour la porte d'entrée, là, après. C'est passé à travers la serrure ou un truc dans le genre. Oui, bah après, il faudrait que vous me poussiez, quoi. Là, faut tester. Ça va peut-être dépendre de ton jet, mais pourquoi pas. Hein. Gaffe, il s'est à 7h coincé dans la serrure. Ça, par contre. Karl, on est d'accord que l'objectif, C'est de le péter. C'est de le tuer, on est d'accord. Tout à fait. Oui, non, clairement. Donc, est-ce que c'est pas plus simple de le piéger? Parce que là, ici, dans une pièce sans issue, on peut le coincer dans son truc. On peut imaginer que si elle est sans issue, elle est sans issue pour nous, mais pas forcément pour lui. Il me semble que vous m'avez dit que quand vous étiez rentré dans l'entrepôt, peu de temps après, la porte s'était fermée derrière vous. Oui, c'est vrai. Mais Karl, tu nous as dit donc c'était un magicien, c'est ça, un sorcier? Ah, oui. Et du coup, et je sais pas, il y a des choses qu'ils aiment pas, la croix, l'ail ou ce genre de choses. C'est le pieu dans le cœur, ils aiment pas. Ah, le pieu dans le cœur, il y a des chances qu'ils aiment pas, effectivement, mais comme moi non plus, j'aimerais pas. Mais personne. Oui, mais tu vois, c'est une valeur sûre, ça, on sait que ça marche. Alors, je sais pas, il y a peut-être un truc. Rien que je sache, non. Sinon, on fout le feu, hein. Je sais pas si on balance du riz par terre, ils sont pas obligés de les compter, ou il y a pas un truc comme ça, il y a pas une légende comme ça. Oui, c'est vrai. Je crois que tu le confonds avec Rainman, mais. Wow. Non, je pense que personnellement, je comptais utiliser une balle dans la tête, mais. Moi aussi. Et si on déclenche un incendie, un début d'incendie, assez pour faire sonner les alarmes? Il sera sans doute sur ses gardes, mais ça aurait sans doute le mérite de le faire sortir de chez lui, de sa planque. C'est ça. Et moi, je crée une illusion pour lui faire croire qu'on est 50, des mecs surarmés. Bah, qu'il y a vraiment des flammes, peut-être. Bah ouais, on peut foutre le feu à la maison, hein. Remarque. Non, mais ils sont vraiment fous. Enfin, on déclenche l'alarme et puis après on lui fait croire qu'il y a des flammes, que c'est les flammes de l'enfer dans sa maison, quoi. L'illusion des flammes dans sa cachette. Et pourquoi faire croire alors qu'il est si simple d'acheter un bidon d'essence? C'est vrai. Alerte psychopathe. Non mais ouais, ou alors... Soit illusion, pourquoi pas, on peut essayer de... Ah, Karl dit que ça pourrait être, dans ce cas-là, une illusion dans sa planque actuelle, ce qui le ferait peut-être sortir. Faisons ça, alors. Ouais, mais est-ce qu'on peut faire une illusion aussi loin, sans voir? Attends, je vais faire 6 succès, et puis là, on pourra faire... Ouais, remarque, si, on voit, mais il n'y a que Nikki qui voit. Bah, lui, il voit. Nikki, elle voit, il n'y a pas de souci. Par contre, après, Karl, il vous dit, si on le fait sortir, il faut quand même qu'on soit prêt à l'accueillir. C'est ça, donc passons déjà le mur, on l'attend dehors. Et dès qu'on le voit, on le tire comme un lapin. Le problème, c'est que c'est un magicien. On ne sait pas trop comment il va sortir. Ah, mais on fait quoi, les golems? Par où il va sortir? Pas de porte. Donc, Et on met 2 personnes devant, 2 personnes derrière. Et le reste au milieu. Et les golems, mais bon, dans tous les cas... Vous êtes 5, hein, je rappelle. C'est vrai. Ouais, mais Nikki, elle va être concentrée à faire son illusion. Parce qu'en fait, c'est de la coercition. C'est un sort de la tête, en fait, que tu lui lances. Oui. Donc, en gros, le plan, là, c'est Karl qui parle, hein, le plan, ce serait de le faire sortir et d'essayer de l'abattre le plus vite possible avant qu'il ait le temps d'activer ses statues, ses golems. Je pense, oui. Bah, un truc dans le genre, ouais. De toute façon, il est fortifié. On peut pas rentrer où il est. Et si on n'arrive pas à le tuer avant que les golems nous sautent dessus, on fait quoi? Eh ben, Karl, tu t'en occuperas. Bah, on se bat, mon petit Karl. Est-ce qu'on a quelque chose contre les golems? Est-ce que vous savez faire quelque chose qui embêterait les golems? Je peux les remplir de flotte, je peux les faire rouiller très vite. T'as ça comme pouvoir? Je peux les geler, mon cold wind? Non, peut-être pas les geler. Ouais. Bah, je peux briser les objets inanimés. Ah, ça c'est cool. Ah, voilà. Mais... Sauf qu'ils seront animés. Non, mais tu les brises avant. Ça serait cool. Moi, je fais l'illusion, toi, tu brises les statues, et vous autres, vous lui tirez dessus. Tu peux faire ça à distance, te demande Karl? Briser les golems? Ou il faut que tu les touches, il faut que... Ce plan repose sur tes épaules, Harvey. Tu dois nous répondre immédiatement. À portée jusqu'à 10 yards. C'est pas mal. Bon, est-ce qu'on passe le mur déjà, alors? Ouais, alors le problème, c'est que la compétence, c'est craft. Et là, c'est le drame. Non, mais on est en veine ce soir. Je vous ai donné des XP, vous avez le droit de les dépenser. T'as de la volonté, Manu. Ouais, je vais dépenser de la volonté, je crois. Bon, déjà, rentrer. Parce que de toute façon, s'il faut que tu sois à 3 mètres du truc. C'est ça. 3 mètres des statues, il faut t'approcher. On n'a pas vu de caméra, tout ça. On n'a pas fait de perception pour les caméras de sécurité, ce genre de truc basique. Tu vois pas de caméra. On saute le mur, là ? Bah oui, de toute façon, on va falloir y aller à un moment. Que ça fait une heure qu'on est... Au-dessus des murs, pas de... Ou autour des murs, pas de câble bizarre ou... Ouais. Allez, Niki, fais-moi un jet de perception, c'est-à-dire d'astuce plus calme. Hein. Un succès, c'est un succès. Non, tu vois rien. Pas de piège particulier, manifestement. Eh bien, allons-y. Ok, on se fait la courte échelle, on passe. Donc vous passez effectivement par-dessus le mur. Je vais pas vous faire de jet, parce que bon, voilà, vous pouvez vous aider les uns les autres. Ellie, c'est capable de se casser la gueule, donc fais gaffe, ouais. Ne fais pas lancer de dés. Ah bah... Je suis capable de me vautrer, de me transformer en cafetière qui explose de l'autre côté, donc... C'est ça, on va pas tourner au Benny Hill. Avec Elise qui grimpe par-dessus le portail, et puis Alistair qui ouvre le portail qui n'était pas fermé à clé. On n'aime pas essayer, ça. Ça se tient. Donc on va dire que vous êtes de l'autre côté. Ok. Que faites-vous ensuite ? Vous rapprochez de la belle baie vitrée qui se trouve près du salon ? C'est ça. Et moi je dis où sont je dis à Harvey où sont les statues ? Alors vous allez me faire un petit jet de discrétion tous quand même ? Ah merde. Furtivité. Dextérité plus furtivité s'il vous plaît. Mm-hmm. Aïe aïe aïe. Donc si on n'a pas la compétence c'est moins 1. Ouais. Ce qui me laisse un dé, mais... On peut utiliser de la volonté ? Ou aussi claquer de la volonté, bien sûr. On va faire ça. Ce qui fait... Moi, je fais 2 succès. Donc, volonté, c'est 3 dés, donc ça fait 4 dés au total. Oh, putain. Ah, Niki, elle a tellement confiance en ses lancers de dés qu'elle claque. Moi, je suis en veine ce soir. Parce qu'on a fait une partie de Warhammer dimanche où je faisais que des échecs, donc c'est pour compenser le karma. Ah, c'est moi qui ai récupéré les Ashkumun, là. C'est le karma qui s'équilibre. Le karma s'équilibre. C'est ça. Remarque, j'avais la Shkumun aussi à Warhammer. Je crois que tout le monde a la Shkumun à Warhammer. Ah donc ça s'équilibre pas alors. Moi, je crois que c'est le système de jeu qui est comme ça. Donc il y a voilà, vous approchez tous du salon et vous avez Elise qui marche sur un arroseur automatique. Et je marche sur le piège à loup. Oh là là, quel boulet! Sur le jouet du chien, tu sais. Pouic! Pouic! Qui s'étale sur un buisson. Ah, ça fait un beau bruit de feuillage et de craquement de bois. Putain, on le vire de l'équipe, hein, je pense. Je me suis retrouvé dans mon seuil torn, tu vois, je me suis retrouvé dans les épines. C'était... Non, mais on s'y attendait. Et à ce moment-là, la cafetière qui l'avait emmené du. Ça explose. Le café où on était explose. Ça, je me vautre et tous vos téléphones portables explosent. T'es là, t'es en putain. En fait, il va être rebaptisé Psycho-Quack, ce personnage, tu sais, où d'un moment, il explose et fait des trucs bizarres. En fait, c'est ça. C'est parce que j'ai pris cœur sans manifestation. J'aurais pas dû. Bon, du coup, on agit vite, alors, le temps qu'ils réagissent. Donc, vous vous approchez un peu plus vite de la baie vitrée. Et donc, bah, Harvey, je t'en prie, fais ton office. Ouais, ok. Bourreau, fais ton office. Sois efficace, hein. Oui. Ah, c'est quoi ? C'est Call aussi que tu utilises, non ? C'est quoi ? Non, c'est Rage, Industrial Rage. Alors, par contre, j'arrive pas à voir la carac qu'il faut lancer. Là. J'ai bien la compétence. C'est comment elle s'appelle ? Rage. Rage. Rage, c'est la force. C'est force. Force plus craft plus rage. Donc, plus rage. Plus des points de volonté, non ? Pour que ça marche. Ouais, on va faire ça. Ouais. Un point suffira. Mais... Ah oui, on peut utiliser qu'un point. Suspense. Mm. Oh putain ! Mais voilà. Bravo. Alors ça. Et easy. En fait, je bouffe la malchance. Vous mangez les péchés, moi je mange la malchance. Tu veux pas nous attendre au café avec Lucie plutôt ? Ben non, parce que sinon ça marche plus. Si je lance pas de dés, je peux pas attirer la malchance sur moi. Ah oui, ouais, ouais. Pas faux. Ouais. Alors ça fait quoi du coup ? Un succès exceptionnel. Eh bien la première statue, qui est une espèce d'énorme élan, explose dans un vacarme assourdissant. Après, on m'engueule que je me vole dans les buissons, bravo. C'est la partie furtive. Bah, c'est un succès, c'est le succès exceptionnel. Du coup, ça explose. Vous m'avez pas dit qu'on avait Michael Bay en jeu. Donc là, Nikki, tu vois clairement Gordon qui avait juste relevé un peu la tête, qui se met à... qui pose le livre qu'il avait dans les mains et qui s'approche du mur qui attenant à la, au sous-sol. Moi, je déclenche l'illusion, alors. D'un pas assez vif. On est d'accord, les autres? Je déclenche l'illusion maintenant ou... Ah bah oui, complètement. Enfin, moi, je suis pour le lancer maintenant. Oui, clairement. Il faut le ralentir le temps qu'on Harvey finisse de démolir les golems. Donc, j'ai 6 plus 1 point de volonté que je vais cramer. Donc, tu cherches à faire quoi comme illusion? À déclencher un incendie, un faux incendie. Alors, du coup, dans la pièce qu'il est en train de quitter ou dans... Où ça? Ah. Dans celle où il va arriver. Il faut que ça le stoppe quelques instants, en tout cas. Ouais. Pour l'empêcher de remonter, plutôt, non? Vous voulez faire sortir... Bah non, dans la pièce dans laquelle il se trouve. Dans l'escalier, là ou... Oui, dans la pièce dans laquelle il va rentrer. Dans la pièce dans laquelle il se trouve. En sortant de cette petite salle dans laquelle on peut pas aller, là. Oui, parce que là, le problème, c'est que dans sa pièce à lui, il va savoir que... C'est... Enfin, il va douter que c'est une illusion, parce qu'il y est... C'est sa pièce magique, ouais. Oui, puis de toute façon, au pire, ça... Si on le fait dans sa pièce magique, ça le poussera à sortir. Donc maintenant, il faut le ralentir. L'idée, c'est pas de le faire sortir. Allez, t'as 3 secondes là, parce qu'il est en train de sortir. Qu'est-ce que tu fais? Il est déjà en train de sortir, de toute façon. 1. Je déclenche un incendie devant sa pièce, ouais. Là où il se trouve. 2. La pièce dans laquelle il va sortir, pardon. D'accord, ok. Allez, vas-y, fais ton jet. Donc c'est manipulation plus persuasion, plus ton nombre d'activations du succès du Boneyard. Ouais, plus 1 de volonté, ça me fait 7 dés, donc. Donc c'est donc manipulation plus persuasion plus 4 plus... parce que t'avais 4 en succès. Hein. T'es là, ouais, t'as eu 4 succès, hein. T'as plus de dés que ça. Hein. Ouais. Attends, je remonte. Ah bon, c'est déjà 4 succès. Hein. Non, j'avais 6 dés et je... Non, j'avais 6 dés. Manipulation plus persuasion, ça te fait combien de dés? Parce que c'est pas le même jet. 4. Hein. 4 plus 4 de ton réactivation de succès, plus 3 de ton point de volonté. Plus... Oui, ça fait 11. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié mon activation de succès. Parce que l'autre, il résiste avec son calme, plus psyché. C'est ça que je cherchais, merci. Ou. Mais tu veux pas arrêter de balancer les règles au MJ, là? Alors attends. Ah mais si, c'est bien, parce que je cherchais justement avec quoi il devait résister. Ok, donc j'ai. Redis-moi, manipulation plus persuasion, ça me fait 4, plus mon succès critique de tout à l'heure, ça me fait 4 dés de plus. Ouais. Je suis à 8. T'es à 8, plus ta volonté. Plus la volonté. T'es à 11. Et mon boneyard n'a rien à voir là-dedans. Si, il faut que la personne soit dans ton boneyard. Et justement, une fois qu'elle est dans ton boneyard, tu peux la manipuler mentalement. C'est le cas. D'où les succès d'activation du boneyard qui s'ajoutent. Je suis à 9 dés alors. Donc je suis à 9 dés. Ah non, manipulation plus persuasion, t'as dit 4. Oui. Nombre de succès de l'activation, 4. 8. Plus 3 de la volonté. Ah, ça me donne 3 dés la volonté. Ouais. Oui, donc ça fait 11. Allez, alors c'était 11 dés. Ok. 11 dés. Oh là là, mais... Oh, t'aurais dû lancer que 4 dés pour faire le complément. Bah oui. Oh, je suis vert. Ah mais lui, il est encore plus mauvais, donc c'est très bien. 10 dés, ah oui, quand même. Bah, ah oui. C'est un mage, c'est un putain de mage. Ah mais ça veut dire que c'est... Calme plus le gnose. Ouais, c'est ça, c'est énorme. C'est calme plus ta caractéristique surnaturelle. Ah putain. Donc ça marche quand même. Ouais, c'est pas chaud de rigoler, oui. Donc ça marche. Mmh. Ah bah, vous êtes à 5 contre lui, je vais pas non plus vous présenter le jeu le rigolo. T'as raison. Hein. Je vous rappelle quand même que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Allez, on rentre, de toute façon, il n'y a pas d'herbe dans son salon. Donc tu le vois effectivement se stopper devant les flammes qui envahissent son sous-sol. Mmh. Et ça fonctionnera du moment que tu maintiens ta concentration. Je suis très concentré. Donc vous voyez par contre l'autre statue. Bah, j'essaie de me dépêcher. L'autre? Allô? L'autre statue, ouais. Oui, je cherche quelle statue je vais vous mettre. La plus forte. Je propose un koala. Petite statue de paresseux. Ah merde. Avec ce qui se passe en ce moment, on n'osera pas la détruire. Exactement. Donc voilà, vous devez voir l'image. C'est une espèce de rhinocéros énorme. Évidemment. Il est vraiment subtil, ce Gordon. Ça n'a pas pu être un petit rhinocéros. Oh là. Vous aviez pété l'espèce d'énorme élan. Mmh. Qui était rigolo aussi. Irrépressible élan. Mais joli, ouais. Bon bah, Harvey. C'est toi qui affronte le rhino. Soit tu détruis le rhino, soit on meurt. Ok. Encore. Bon, lui, c'est pas loin, de toute façon. Je ferais bien des jets d'initiative, mais je me rappelle plus comment ça marche. C'est 1D plus... Ouais, plus astuce, plus dextérité, non, c'est ça? Je sais plus comment... Et sur la feuille, c'est calculé automatiquement en bas à droite. Oui. Bah oui, hein. Ouais, c'est calculé automatiquement, oui, tout à fait. Si tu fais dans le lanceur de dés, tu fais ton dans dice roller, là, t'as le roll initiative. Lanceur de dés avancé, vous lancez un des 10 plus, voilà. Bah, sur la fiche de perso, c'est bon. Ouais, c'est écrit direct. Ouais. Voilà. Et moi, c'est dextérité plus calme. Je suis à 12. 14. Voilà. 13. 10. Ok. Moi, j'ai pas envie d'avoir l'initiative. Alors que c'est toi qui aurais dû l'avoir, c'est dommage. Ça m'intéresse pas. Ouais, mais. Précise que l'initiative que j'ai lancée, c'est pour. C'est évidemment. Rino. Rino. Parce que j'ai quand même aussi. Carl. Okay. Carl, il fait combien? Attends, je regarde. Donc, il y a un G initiative directement? Ouais, sur la fiche, dans le parti lanceur de dés. Ouais. Juste en dessous du titre lanceur de dés, ta test d'initiative, tu cliques dessus, ça marche. Ok, parfait. 12 donc. Ah, copain Carl. Ah, c'est dextérité plus calme en fait. Ok, d'accord. Mm-hmm. Plus un des 10. Plus un des 10. Eh bah, donc c'est parti. Eh bah, Nikki, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je suis obligé de maintenir ma concentration du coup. Donc, tu maintiens ta concentration sur l'illusion pour bloquer notre ami Gordon. Très bien. Oui. Suivent donc Alistair et le Rhino. Alistair, que fais-tu? Oui, alors Alistair. Initiative au héros. Ouais, alors Alistair, il peut créer des illusions qui vont attaquer avec lui. Ah, une illusion qui prend corps alors. Ouais, ouais, ouais. Rappelle-nous, toi, tu maîtrises donc le Rage, c'est ça, et Call? Et Call. Et donc là, tu cherches à utiliser Rage Phantasmal, c'est ça? Oui, ça doit être ça, oui. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, ça crée un spectre qui va frapper ta cible. En fait, c'est surtout pour l'occuper, en fait. Tu dois dépenser 2 plasmes et tu lances manipulation plus persuasion plus rage. Et ça va créer un spectre qui va attaquer avec les succès, en fait. Il va durer 3 tours et disparaître. Et effectivement, il fait des dommages illusoires. Il fait pas des vrais dommages? Ah oui, d'accord. Non, pas encore. Dommages illusoires. Ouais. Donc voilà, 3 succès. Donc c'est juste pour l'occuper, l'emmener loin de nous, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, d'accord. Bah écoute, lance quand même tes 3 succès pour voir si ça le... C'est vrai, si... ce que fait ton illusion quand même. Bien joué. Juste 3D. Ouais. Du coup, ça devient son pool de dés à lui. Les 3 succès, ça devient le pool de dés de ton spectre. Voilà, il est hyper efficace. 1, 2, 2. Très bien. Du coup, le Rhino va se mettre à charger. Donc, à travers ton spectre et ce qui se trouve devant lui. C'est-à-dire, c'est un petit dé pour savoir. C'est-à-dire, envers nous, quoi. Bah déjà, c'est pas Nikki, parce que Nikki, elle est restée à faire son illusion depuis le début. Tout à fait. Bon, puis c'est... Merci. Envers nous, quoi. C'est sûr. Alors, sur Discord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, Hélice, c'est la Kélos. Il n'y a plus d'Hélice, hélas. Aïe, aïe, aïe. Alors, combien as-tu en défense, mon cher Hélice? Oula, ben, ça va pas voler bien haut, ça. J'ai 5. Ah, quand même. Ah, c'est bien, 5, c'est bien. 5? Non, j'ai que 2. Eh oui. C'est vachement bien, 5. Bah ouais. T'avais senti le coup venir? Bah non, j'ai mis des points en sport, je crois. C'est ça qui m'a aidé. Ouais, sport, ça aide. C'est le trekking dans les rocheuses. Oui, du coup, ça se calcule comment, la défense? Je crois que c'est le plus bas entre dextérité et astuce, plus sport. Mais ça doit se calculer tout seul, normalement. Ouais, ça se calcule tout seul. Ouais, c'est bizarre, parce que du coup, j'ai sport, mais j'ai que 2. Regarde, dans character sheet, tout en haut, t'as paramètres, page 1, page 2, page 3. Dans paramètres, ta valeur de défense, ça doit être écrit le plus bas. Ouais, c'est ça. Le plus bas plus sport, pardon. C'est bon, ouais, ouais. Bien, donc il t'attaque. Ouais, ça fait moins 5D, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Coûte combien d'augmenter la dextérité là? Un succès, ouh! Oh bah il touche. Donc combien de dégâts fait-il là? T'as plus 2, donc ça fait 3 dégâts. Et à ça... 3 dégâts... Après c'est combien t'as d'armure? Bulle, j'ai rien en armure. Et il n'y a pas de jet d'encaissement. Je crois pas. Non, ça c'était... C'est des dégâts létaux, donc... Ouais. Non, mais le coup des jets d'encaissement, c'est l'ancien système. Donc tu prends 3 dégâts, ça va, c'est pas non plus... Donc en gros, t'arrives quand même à te jeter un peu sur le côté et tu te fais... Ok. Tu te fais pas encore né, tu te prends un coup d'épaule, on va dire, qui te projette un peu en arrière. D'un côté, ça m'arrange pour un truc. Au moins, j'aurais bien vu la bestiole, donc j'espère que le jeu va me donner une réponse à ma question. Eh ben justement, c'est à toi de jouer, je crois. 12. Oui. Et à Carl. Alors, à quel point est-ce que ça pourrait être considéré comme un objet mécanique, ce truc-là? Ah bah c'est complètement un objet mécanique. C'est complètement un objet mécanique. Ah, il fait du coup de la machine à café. Alors, il a manifestement une certaine vie, mais puisqu'il bouge, mais c'est il est composé uniquement de mécanismes. Ah, de voilà, c'est un objet. Ça fait pas partie du règne animal, quoi. Ah ok. Non, je veux dire mécanique. Tu sais qu'avec industriel, tu peux les objets technologiques et mécaniques, tu peux les utiliser, les faire fonctionner, les contrôler à distance, etc., etc. Ouais. Alors tu peux tenter, ouais. De nous faire du café. Ben, c'est ça. On va essayer, hein. Boum. Donc on va craquer un point de volonté. Alors c'est craft. Craft, ok. Après craft, c'est quoi déjà? C'était le truc où t'avais un contrôle sentient, ça faisait il y a une résistance. Parce que là, du coup, il va avoir effectivement quand même une résistance. C'est ça. C'est le. C'était quoi que tu utilisais? C'est curse que tu utilisais ou c'est... Non, industriel marionnette. Ah, marionnette, pardon. Ouais. Tu l'as la résistance ou pas? Bah, de toute façon, ça va être calme plus composure, quelque chose comme ça. Marionnette activation. Résolve plus psyché. Ah, c'est résolution là. Donc c'est manipulation plus craft plus marionnette. Putain, avec 10 dés, je fais 2 succès. Ouais. Oh, ça passe. C'est suffisant. Mon Dieu. Donc. Alors, ça va peut-être pas durer éternellement, mais effectivement, tu arrives à faire ce que tu veux. Donc, j'ai des tentacules de plasme qui se dégagent et qui vont s'insérer dans l'objet, le Unsnare, l'enchevêtrer et utiliser toutes les sympathiques connections pour le contrôler. Très bien. Et donc, après, du coup, j'ai plusieurs options. Suivant les bestioles, je peux le faire bouger, je peux... Pour le moment, on va juste le faire rester sur place. Ok, initiative suivante, Karl, lui, se voyant que la situation, enfin, laisse la situation entre à vous, en tout cas, lui, il pointe son flingue vers la porte du sous-sol, prêt à faire feu. Ok, et Harvey? Et donc Harvey. Est-ce que c'est encore quelque chose de mécanique ou pas, alors? Ah oui, c'est quelque chose de mécanique, oui. Qui a une certaine espèce de volonté, voilà, mais ça n'a pas changé son essence, enfin sa matière. Je vais réessayer une rage industrielle. Ouais. Alors, je pense que là, il va quand même résister, du coup, mais... Alors, Kill Defense, durabilité. D'accord. Alors, j'ai pas de durabilité, mais je vais utiliser autre chose. Sa vigueur, tout simplement. C'est ça. Allez, fais ton jet. Ouais, puissance. Ah, bon. C'était pas la peine. Tu n'arrives pas à le détruire. Non, mais a priori, tant mieux, parce que je suis en train de relire le truc, mais en fait, mon contrôle, il dure toute la scène. Mais tu le fais attaquer le magicien. Faut que je suis en train de regarder, parce que c'est... Je crois que c'est pas vraiment, vraiment prévu complètement de prendre le contrôle d'une bestiole vivante à moitié, mais t'as un jet pour résister, mais après, dans les différentes actions qu'il te donne en exemple dans l'industrial marionnette, c'est pas... Je suis en train d'essayer de trouver un truc. D'accord. En fait, si ça me coûte juste du plasma. Ouais. Non, mais pas de raison. Après, t'as son créateur qui est pas loin. Il a peut-être envie de reprendre le contrôle d'une manière ou d'une autre, mais ça, on verra à ce moment-là. Ok. Alors, par contre, ce que je vais juste faire, c'est un jet d'initiative pour lui, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Et t'as 14. Il va donc agir en même temps que Nikki. En fait, du coup, il se retourne. Donc, toi, Nikki, tu continues à maintenir ton contrôle, j'imagine. Enfin, Bien sûr. Ta concentration. Tu le vois se retourner vers le mur du fond, en fait, et il tend la main, il se concentre un peu, et il y a une espèce d'escalier de terre qui se fait vers l'extérieur et qui commence à gravir. Ok, je peux crier aux autres, il est en train de se barrer? J'ai le droit de répondre non? Bah oui. Non, mais oui, pas de souci. Je sais pas si en fait si je suis dehors ou si moi je suis dans la maison. Comment... J'avais compris que t'étais quand même proche de la maison pour moi, hein, donc t'es au niveau de la. L'entrée, quand même. De la baie vitrée qui a été un petit peu fracassée de toute façon. Donc, ouais. Donc ils peuvent tout à fait t'entendre. Moi je crie de toutes mes forces qu'il est en train de se barrer par derrière. Du coup, on a un rhinocéros qui peut nous faire un passage jusqu'à l'arrière de la maison. C'est un peu l'idée. Bah justement, c'est maintenant à Alistair. Que fais-tu? Je me rapproche de l'arrière de la maison, mais j'attends que le rhinocéros nous fasse un passage, quoi. Donc je peux. Alors pour le coup, le rhinocéros, je vais le faire agir en même temps qu'Elise, parce que c'est toi qui vas le contrôler, donc il va reculer d'un point d'initiative. Ouais. Ouais. Donc j'attends. Attends, je peux mettre mon action en attente ou? Oui. De toute façon, en fait, le rhinocéros, il va agir à ma place, puisque moi, j'ai gardé la concentration. Ah bon? Ok. Donc du coup, Elise, que fais-tu? Eh bien, entendant le cri de Nikki, je dirige effectivement la bestiole mécanique dans la direction que Nikki indique, pointe du doigt, en fait. Ok, coup, bah, le rhinocéros, ouais, on va lui faire faire une charge. Généralement, tu peux demander des jets pour des activités sophistiquées, enfin des activités un peu qui sortent de l'ordinaire avec astuce plus résolution, mais un autre attribut ou skill peut être relevant. Bon, alors bah, vas-y, fais-moi un petit jet d'astuce plus résolution, juste pour voir si t'arrives en gros à lui donner l'ordre ou à le... Okay, bah. À donner l'ordre, à diriger le. Bah, elle dirige dans les couloirs ou s'il s'encastre dans un mur, quoi. Voilà, c'est ça. Deux succès, parfait. Ce n'est pas le mur. Et donc, je vais lui faire un petit jet quand même. L'idée, c'est qu'il traverse le mur, du coup, ou c'est quoi ? C'est qu'il crée une ouverture vers l'arrière ? C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est. Il atteigne une porte de derrière. Ouais. Qu'il fasse des trous, quoi. Ouais, il fasse un couloir vers la direction qui est indiquée par Nikki. Hein. C'est un rhinocéros. Ok, donc il fonce vers le mur qu'il percute de plein fouet. Ça crée une ouverture alors, qui est pas. Enfin, ça crée un trou, quoi. C'est pas suffisant ni pour lui ni pour vous. Mm-hmm. Mais voilà, il a défoncé une partie du mur, en tout cas. Donc, Carl, lui, se précipite vers la baie vitrée qui était par laquelle vous étiez rentré, en fait. Hein. Enfin, rentré, vous aviez à peine un pied dedans, au final. Et du coup, commence à contourner la maison, en fait. Mm-hmm. Ok. Et ce sera donc maintenant à Harvey, je crois. Ouais, c'est ça. Des fenêtres du côté où c'est. Enfin, par où sort Gordon ? Oui. Nikki a pas agi ? Si. J'ai agi en premier. Elle s'est continuée de se concentrer sur le feu. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi. Donc oui, tu peux voir une fenêtre. Ben, je me dirige vers une fenêtre, et si je vois Gordon, ben, je lui tire dessus. Eh ben vas-y, ma foi, tire. Feu. Et ben voilà. Ouais. Tu touches la... Une fenêtre. Le mur. Non, même pas. Je ne te fais même pas ce plaisir. Touche le mur. Touche le rhinocéros. Réveille. Merde. Tu touches la voisine d'en face. J'ai une question, on relance l'initiative à chaque tour, à chaque round ? Non. D'accord. Donc justement, c'est à toi de jouer. Est-ce que je peux déplacer mon feu ou pas ? L'illusion ou pas ? C'est, en fait, c'est pas une illusion que tu crées à un endroit. C'est tu es dans la tête du mec pendant toute la scène, en fait. Ouais, donc je peux décider de que le feu soit de son côté maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Voir sur lui-même, que lui prenne feu, comme si lui prenait feu. Ouais, ça c'est bien ça. Voir, tu peux lui faire voir des gens qui seraient dans les buissons et qui l'attendraient avec des armes lourdes pour qu'ils reviennent vers nous aussi. Moi, j'ai plutôt envie de l'enflammer. Mmh, bien sûr. T'avais fait combien de succès déjà ? 3. Pour manger de l'illusion, 3. Ouais, et lui, il en avait fait 2 pour... Pour contrer. Ouais. Donc, il prend feu, mais tu vois pas réagir comme tu t'y attendrais. Ah, putain, il est trop fort. Bah, disons que c'est un mage. Il commence à comprendre qu'il y avait un truc un peu chelou, quoi. Ah oui. Par contre, donc, lui se met à tirer en direction de Carl et... Harvey, la fenêtre par laquelle tu regardais, c'est un mur maintenant. C'est chiant. T'inquiète, moi aussi, je fais apparaître des fenêtres et des murs. Bon, il est aussi bon tireur que toi, ça va. suivant, c'est Alistair. Ce que tu peux faire, Jordan, c'est utiliser la réglette d'initiative à gauche dans les outils du MJ, là, sur la petite barre. J'ai beaucoup de fenêtres ouvertes. Où c'est qu'il y a une réglette d'initiative ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, je rejoins Harvey dans la cuisine. Il y a une porte, j'imagine, qui donne sur l'arrière de la maison. Donc, il y en a deux dans la cuisine qui se font un sandwich, c'est ça ? Donc j'imagine que dans la cuisine, il y a une porte qui mène sur le jardin, là où, enfin, sur l'arrière de la maison, là où est sorti Gordon. Ouais. Bah, je prends la porte et je le rejoins dans le jardin, avec la ferme intention de lui maroufler le groin. Donc effectivement, t'as une espèce de porte battante, là, vers l'arrière. Et donc tu vois Gordon à quelques mètres. Tu vas lui cogner sur la tête ? Eh bien, vas-y. Il y a une défense de 3, donc tu retires 3 dés à ton... Ok, utiliser de la volonté ? Oui. Les armes donnent des bonus ? Je sais plus, ça. Attends. Juste aux dégâts. Ils ont un score de dégâts. Juste les dégâts, ouais. Arme blanche. C'était quoi ? C'est une greatsword que t'as ? C'est quoi ? C'est le... Enfin, peut-être pas une rapière ? Non, c'est le War Club là, que j'utilise. En tout cas, non. De toute façon, ça te fait que... Ça joue sur l'initiative, par contre. Mais bon, on s'en fout. Ça. Ça joue sur les dommages et le reste, on s'en bat le steak. Oh. Bah attends, t'avais même pas enlevé les dés pour la défense, en plus. Voilà. Un succès, c'est suffisant. Donc, tu le frappes sur le côté. Donc, un succès. Tu fais combien de dégâts, du coup ? Je sais pas. ce que ça fait comme dégâts. Un plus. Je t'avais pas donné les caractères de ton épée. C'est pas l'épée que j'utilise, c'est le truc fantasmatique là, l'arme. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on va te donner pour ça? C'était quoi? C'était une masse? C'est un War Club, oui. Ah bah, on va utiliser un Metal Club, ça m'a l'air pas mal. Donc ça fait plus 2, donc ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait, enfin, plus 2, quoi. Donc ça, ce qui fait 3. Plus 2, voilà. Tu frappes, du coup tu sens comme si le truc était étouffé par ses vêtements, ce qui te semble bizarre puisque les vêtements semblent assez communs, mais pour autant ça te semble plus résistant que ce que ça devrait. C'est du corps à corps, t'as pas la force qui intervient dans les dégâts sur une arme de corps à corps? Bonne question. Force plus succès plus. Je sais plus. Je vais vérifier. J'ai noté dans la. Théorie, ça devrait être ça. Je vous avais pas envoyé le fichier de résumé des règles. Alors, combat. Non, c'est le jet d'attaque qui fait, me semble-t-il. Hein. T'as le jet d'attaque, ça c'est. Le jet d'attaque, c'est force plus mêlée, moins la défense. Ouais. Et les dégâts, c'est le résultat plus. On ajoute les succès au modificateur de dommage et on applique directement les dégâts. Merci, au revoir. D'accord. Et donc, le modificateur de dégâts, c'est 2. Ok. Plus 2 pour cette arme-là. Ouais. Ok. D'accord. Et les armures. Les armures donc, sont présentées sous la forme XY. Le X, ça retire directement les dégâts et le Y transforme les dégâts létaux en dégâts contondants. Mmh. Donc voilà. Et donc bah ça a l'air de pas avoir porté effet. N'a pas tapé assez fort. Ok, je me rattraperai tout à l'heure. Ensuite, Monsieur Rhino et Monsieur Karl. Karl se met à tirer. Le Rhino va se frayer un chemin pour essayer d'aller piétiner le mage. Eh ben refais ton jet, vas-y. Astuce plus résolution. Oh ben je vais claquer un petit point de volonté. 2 succès. C'est pas du piétinement de exceptionnel. Oh, ça c'est pour lui faire ce que tu veux faire. Mm-mm. Ok, donc cette fois il arrive clairement à exploser le mur et voilà, il se retrouve proche de Gordon, prêt à charger pour le prochain coup. Et donc Karl tire sur Gordon qui prend le coup. Manifestement, voilà, ça le bouscule un peu, ça le touche quand même, mais bon, ça a pas l'air de lui faire beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de giclée de sang ou quoi que ce soit. Encore une fois, ses vêtements ont l'air de bien absorber les coups alors qu'il est juste en chemise normale, petite veste en cuir, enfin rien de Morpheus quoi, rien d'extraordinaire. Il part les coups avec ses lunettes de soleil. Et donc nous finissons ce tour comme toujours par Harvey face à son mur. Moi j'essaie de faire le tour pour essayer de repasser par le trou dans le mur en fait. Ok, donc tu arrives sans problème dehors, du coup bah tu seras au prochain tour, t'es face à Gordon, prêt à agir, mais là t'es obligé de perdre ton tour après avoir perdu quand même une ou deux secondes à voir cette fenêtre se retrouver en mur devant toi. T'as mis un petit peu de temps à réagir. Donc ensuite Nikki. Je vais arrêter l'incendie, hein, visiblement ça marche pas. En fait, mes illusions, j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose. Hein. Ah, disons que ça l'a bien bloqué. Là maintenant, t'as l'impression qu'il a clairement compris ce que c'était quoi. Au début, ouais. Mmh. Bah oui, donc ça sert plus. Et lui tirer dessus, ça sert à rien. Ça sert pas à rien, mais faut faire quelques succès. Bah, mais j'ai 3D quoi. Volonté, ça te fait 3D de plus. Hein. Normalement, les statistiques. Et on a bien vu qu'avec l'idée, tu t'avais fait nous faire 7 succès. Hein, donc... C'est vrai. Ouais, bon, bah, je sors mon arme et je tire. Hein. Est-ce que je le vois là? Je suis dehors aussi. Alors, t'es obligé de contourner. Toi, t'étais dehors, mais côté salon, donc t'es un peu obligé de contourner d'abord. Ouais. Ouais, entrée, ouais. Donc, tu sors ton arme, tu te mets à courir, mais tu peux pas lui tirer dessus ce tour-ci. Ok. Il est en train de fuir en fait? Il a l'intention de fuir ou il juste. Là, pour l'instant, il reste et il combat manifestement. D'ailleurs, en parlant de ça, donc il tire sur. Il tire toujours sur Karl, parce que c'est lui qui visait tout à l'heure. Donc, un peu comme la première fois, hein, je vous ai pas dit, mais arrivant d'un peu nulle part, il y a des éléments qui se sont formés dans sa main pour former un pistolet. Mm-mm. Ah, il tire sur Karl et là il le loupe pas. Donc Karl se prend une balle de plein fouet, il paraît assez secoué, mais vous voyez pas non plus beaucoup de sang, un petit peu quand même. Ah, il est chelou lui aussi. Ah, c'est un sion. Un sion. Et donc comment, Elise, tu vas me refaire un jet de contrôle sur le. Bah, le jet de contrôle, c'est mon dice pool quoi, manipulation, qu'est skill plus marionnette contre son resolve plus cliché, hein, c'était ça le début. Exactement. Et donc j'essaye de me faire manipulation. Au moins 4 succès. Qu'est skill, c'était craint. Si tu fais 4 succès, je considère que c'est bon pour toi, puisque comme c'est toi qui as le contrôle actuellement, je considère que c'est à lui de dépasser tes succès. 5, 7 et un point de volonté, ça fait 10. Ah, ça suffit pas, parce que je suis modé. Donc le rhinocéros, pardon, semble échapper à ton contrôle. On est foutu. Ok. C'était notre seul atout. Mais non. Non, parce que du coup, là, je viens de me faire piquer le contrôle, mais j'ai pas agi. Non. Non, non, t'as pas agi. Ok. Donc du coup, c'est à qui ? C'est le rhinocéros, mais donc il va, voilà, il ne bouge pas ce tour-ci. Et ah oui, et Alistair avant, de toute façon. Alistair, du coup. Alistair, il va recogner un coup. Et ben vas-y, toujours avec ton War Club, du coup. Bah oui, oui, c'est une affaire qui marche. Vise la tête quand même. Vas-y. Ça a retiré les 3 dés de la défense ou pas ? J'ai utilisé de la volonté. D'accord, donc ça fait pareil. Waouh. 4 de dégâts cette fois. Ouais. Oh, donc cette fois, tu sens qu'il réagit à ton coup. Très bien. Ah, quand même. On peut pas dire qu'il sort de douleur, mais voilà, ça l'a touché. Il fait comme si j'étais là quand même. C'est ça. Bon. Nous avons ensuite notre ami Karl et Elis. Je vais continuer, moi, sur les manipulations marionnettes plus industrielles, parce que c'est un flingue qu'il a dans la main. Ouais, complètement, ouais. Ouais, donc je vais juste en prendre le contrôle. Oh. Ah oui, il se tire une balle à la tête. Non, bah, je prends le contrôle du flingue, après je peux faire... Oui, du flingue, pas du bras. Si. Pas du bras. Je peux faire tirer le flingue, etc., mais je peux surtout enrayer le flingue, en fait. Ouais, complètement. Donc, manipulation plus... craft plus marionnette 7D et comme c'est inanimé, il n'y a pas de jet de résistance du coup. Et pour le coup, là, je fais des succès. Il n'y a pas de jet de résistance sauf si de la durabilité peut-être ou je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. 4 succès, c'est largement suffisant. Non, même pas pour prendre le contrôle en fait. C'est que sur les êtres sentients. Même pas. Bon, ok, parfait. Oui, bon, de toute façon, sur un flingue, je pense que j'aurais pas lancé plus d'un ou deux dés, mais. Pas de souci. Donc tu prends le contrôle, effectivement, et tu bloques le flingue. Ouais, je vais commencer par faire ça. Ça roule. Et donc, nous avons également Karl qui a tiré et qui a bien touché Gordon à la clavicule. Là, vous voyez un petit peu de sang qui gicle cette fois. Mm-hmm. Et donc, nous revenons sur Nikki qui apparaît au coin de la maison. Et qui va... Non, pardon, j'ai oublié notre ami Harvey, excusez-moi. Ah oui, pardon. Il me semblait que... Mais bon, je me suis dit, bon, je suis peut-être en train de courir encore dans le couloir ou je sais pas quoi. Bah non, bah du coup, t'arrives un petit peu derrière le rhino, d'ailleurs, tout simplement. Le rhino venait de sortir, donc toi, t'arrives derrière, dans l'ouverture. Que fais-tu ? Rhino, il commence à se demander lequel d'entre vous il doit charger. Essayer de péter le rhino. Ah bon, tout à l'heure. Hein. Eh ben vas-y, refais ton jet. Je vais faire sa résistance. Un succès. Donc tu vois des bouts du rhino qui se mettent à tomber, en fait, quoi. Des morceaux de métal qui tombent ou qui volent, enfin, gentiment, quoi. Ça part pas comme une des fusées, mais voilà, ça des morceaux du rhino qui sont en train de voler dans tous les sens. Il est encore debout, mais paraît moins solide tout d'un coup. C'est bien. Et donc on revient à Nikki cette fois. Ok, bah là je tire dessus. Hein. Je t'en prie. Ça n'a rien à voir avec jet d'attaque en haut. Non, j'ajoute mes... Je pense qu'il vaut mieux que tu ajoutes les dés, oui. Donc dextérité, arme à feu, et je crame un point de volonté pour avoir 6 dés. T'as un point en arme à feu quand même ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Sinon ça fait moins 1. Oui, je sais ce que je fais, en théorie. Excuse-moi. En théorie, je sais. Très bien, tu t'enlèveras 5 dés donc, puisque tu sais ce que tu... Oh là là. Ah voilà, très bien. En même temps, c'est la première fois de ma vie que je tire, c'est pour ça. Tu pousses un petit cri, tu lâches l'arme qui tombe au sol, c'est ça ? Non, j'ai un point. Ah oui. C'est mon ex-mari qui m'a fait tirer une fois. Ah bah ouais, c'est ça, t'as regardé un tuto YouTube. Bah comme d'hab. Donc en tout cas, ça n'a pas d'effet. Bah, je tire à côté, non ? Ouais. Bah oui, je le crains. Lui par contre, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, il va tirer encore une fois sur... Il n'a plus de pistolet. Ah oui, non, c'est vrai, il ne peut plus tirer, tout à fait. Si, en fait... Il essaye parce que pour le moment il est pas au courant. Bah il essaye quand même. Enfin, il essaye de tirer. Ouais, tout à fait. Il essaye de tirer sur Karl, il n'y arrive pas. Il perd son action. Donc il perd effectivement son action. Une de ses multiples actions, j'ai l'impression, parce qu'il a l'air de faire beaucoup de trucs en réflexif. Non. Oh, il a deux, ça va. J'ai pas l'impression. Hein. Tu fais faire deux actions, ça. T'as 5 contre lui, il n'a pas pleuré. J'aime pas les joueurs qui pleurent, attention. Ok, on va faire autre chose. Ah, j'ai une question, parce qu'il est déjà 11h, hein, 11h05. Mm. Ah oui, effectivement, j'ai pas vu l'heure passer. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de le battre, ce gars, en fait. C'est une mauvaise impression. Si, il a pris des mauvais coups. Non, mais du coup, si on le tue, après, il y a une conclusion et tout, quoi. Mais on peut... Oui, non, mais on peut effectivement s'arrêter là. Alors, peut-être finir le tour, quand même, vite fait, mais... Vas-y, ouais. On finit le tour et on arrête là ? On peut faire ça ? Enfin, ça dépend aussi des autres. Qu'est-ce qu'en pensent les autres ? Mm-hmm. Non, on finit le tour. Hein. Mm-hmm. Surtout que ça va peut-être... Oui, ça va peut-être se finir. Ah, super. Il va tous vous tuer. Dit-il après avoir lancé les dés, tu sais, le truc. Pas flippant. Non, je pense plutôt à l'inverse. Mais vous voyez Karl qui lâche son arme et se tient la tête en hurlant. Il tombe à genoux. Il est vraiment nul, ce Karl. Ah, pour l'instant, il a quand même bien tiré sur lui. J'ai pas vu, moi j'étais de l'autre côté. Ouais. Donc c'est à Alistair et au Reno juste après. Alors Alistair, il va tenter d'utiliser la rage de l'alarme teintée. Ouais. Pour le noyer en fait, il remplit les poumons d'eau. Oh. Ah ouais, ah, ça lui fait des pénalités, c'est ça? Ouais, ça lui fait des dégâts. Ouais, pas mal. Ouais. A priori, je peux décider que ce sont des létaux, mais je sais pas trop comment l'activer du coup, c'est pas très très clair. Je fais mon attaque. Force plus c'est force plus la clé plus la rage. Moins la défense. Donc a priori, sa défense, ça sera sa vigueur, pour les effets de ça. Ouais, ok. Force, plus rage, plus occulte, c'est ça? Plus volonté. Et ça lui fait combien en défense, du coup? 4. 2 succès. Et bah, donc tu lui fais 2 de dommages, et moins 2 à tous ses jets physiques, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez, tu vois qu'il loquette, effectivement, enfin sa main gauche qui se porte à son cou, à son torse. Voilà, what is dead may never die. Nous avons ensuite Elise. Il a lâché son flingue? Oui. Ok, bah le flingue vole et je tire. Tu peux faire carrément la télékinésie avec? La télékinésie, ouais. Bah écoute, vas-y. Et là, c'est comme si j'utilisais un pool force plus athlétique égal à mon nombre de succès d'activation qui était à 4, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, du coup, pour tirer, bah, c'est toujours la même chose, c'est les wits plus resolve de la volonté, quoi. Ah ouais, c'est même pas ton astuce, enfin ton dextérité plus tir. Je sais pas. C'est pas super clair là-dessus, en fait. Bon, ah, vas-y, fais ton jet de. Parce qu'ils disent que tant qu'il se concentre, il peut faire n'importe quoi. Je peux faire n'importe quoi au truc. Je peux faire jouer n'importe quel son à la radio. Je peux demander à un aspirateur de nettoyer la pièce, etc., etc. Mais au niveau des jets, le rôle pour les activités sophistiquées, c'est wits plus resolve. Ouais. Sauf s'il y a d'autres choses qui s'appliquent plus. Donc effectivement, ça pourrait être. Fais-moi plutôt wits. Non, fais-moi plutôt dextérité plus resolve plus arme à feu et. Là, ça fait trop. Dextérité plus résolve. Plus résolve. Ouais, ok. Ok, bon, bah, c'est pas exceptionnel, hein. Dextérité plus résolution, on va voir ce que ça donne. 2 succès, c'est déjà pas si mal. Ah ouais, pour 4D, c'est bien, oui. Ok, donc il se prend une balle de plus. Ah, il commence à sévèrement chanceler. Ah. Et on finit par Harvey. Non, j'ai pas fait le rhino. Ah, du coup, le rhino va se tourner vers Harvey, alors. Combien tu en défense, Harvey? Ah, j'ai 4, et j'ai oublié d'appuyer sur contrôle. Ah, du coup, le rhino chancelle vers toi, essaye de t'encorner d'un coup de tête, mais il te rate. Que fais-tu? Eh ben, moi, je tire sur Morpheus. Il s'appelle Gordon. Ah oui, c'est vrai. Je tire sur la bouteille de gin. Eh bien, je t'en prie, tire. Succès. Eh bien, tu le touches, et Gordon s'effondre au sol. Ah. Je vide le chargeur. Moi aussi. Juste histoire d'être sûr. Vous videz vos chargeurs. Voilà. Le piétine. Il est manifestement très mort. On va voir. Et donc, bah, je vous propose quand même de s'arrêter là. C'est un peu triste, mais... Ouais, mais... Ça permettra de bien finir. Ok, parce qu'il y a quand même des questions, Lucie, tout ça. Ok. Oui, tout à fait. Alors, vous n'obtiendrez peut-être pas toutes les réponses, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que je vous tease pour la saison 2.